J'avais pourtant traîné, fait le mec pas pressé. J'ai un peu hésité à tenter le coup de la panne, histoire de perdre du temps planté en pleine campagne. Depuis 2 mois déjà que c'était organisé, le thé dansant des retraités, de l'amicale des pompiers. Ma femme avait fait promettre de les accompagner. Tout l'après-midi c'est la fête, m'avait-elle expliqué. Ses parents sont sympas, surtout quand on ne les voit pas. Mais juré c'est juré, même avec les doigts croisés. Il fallait que je m'y soumette, une après-midi de guinguette à bailler, regarder, amuser toutes ces têtes aux cheveux bleus en train de danser. Les tangos, les passos, la valse et la java, mais pas le disco. C'est sûr que je vais m'ennuyer, c'est sûr que je vais regretter. Mais juré, c'est juré. C'était dans la grande salle de la mairie d'à côté qu'ils avaient loué la semaine, le temps de tout préparer. Les ballons au plafond pour cacher les néons, et les décos sur les murs pour masquer les fissures. Nos places étaient réservées, 4 personnes bien placées, pour voir tout le monde danser, s'éclater, rigoler. Et moi j'étais paniqué depuis un bon moment. C'était l'heure d'aller danser la valse avec belle maman. Ses parents sont sympas, surtout quand je pense à l'héritage qu'ils laisseront le jour où ils tourneront la page. Il fallait que je m'y soumette, une après-midi de guinguette à bailler, regarder, amuser toutes ces têtes aux cheveux bleus en train de danser. Les tangos, les passos, valser la java, mais pas le disco. C'est sûr que je vais m'ennuyer, c'est sûr que je vais regretter. Mais juré, c'est juré. C'est sûr que je vais regretter, mais jurer.